On a un nouveau segment, tu sais qu'au Palmarès c'est fou, Alexandra va être au courant aussi. On a un bloc, un instant classique, où on présente les meilleurs moments d'assemblage requis toutes les semaines dans les Palmarès c'est fou. Pourquoi ne pas virer le concept à l'envers? Ça fait longtemps que je voulais le faire. J'ai pris un petit peu de temps. Soyons fous. En fait, semaine, je vous ai monté un petit bloc des meilleurs moments des Palmarès c'est fou. Mais comme on l'a jamais fait, c'est depuis le début de la session. Tant qu'à en faire. Donc, on va écouter ça. Ça va nous amener jusqu'à la fin de l'émission. Alors, voici ce qu'on appelle un instant classique édition Palmarès. Voici les meilleurs moments des Palmarès c'est fou des semaines du 7, 14 et 21 janvier 2013. La batterie, je pense, intéressait bien gros Maxime Tanguay dans cette pièce-là. Oui, ah. Mais je suis batteur. En fait, t'es batteur? Oui, je joue de la batterie c'est pour violent? Vrai. Donc, non, violent. Pas de femme. OK, de percussion. De percussion. T'es batteur de percussion. Je bats mes percussions. Oui, quand ils font pas à vaisselle, je les en sac une autre. Mais on n'a pas le droit, Stéphanie, de donner des coups avec l'instrument pendant qu'on joue. C'est interdit. C'est écrit où? OK. Ah! De toute façon, t'es une fille, fait que va faire de la batterie de cuisine dans la cuisine, non? Non, mais il serait sexiste, quelque chose comme ça. Non, mais je fais mon controversé. On peut espérer que le mieux pour l'Isole Blanc, qu'elle va se relever de cette popularité soudaine, qu'elle va faire de quoi de. Qu'elle commence par se relever de son divan, elle se plaint, hein? Ben, c'est ça, ouais. Hein? Lâche tes Cheetos, puis. Ah, c'est pas fait. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a servi pendant le temps des fêtes à ressembler à deux gouttes d'eau à l'Isole Blanc. C'est tout ce que je peux dire. J'ai parti un running gag à l'assemblage requis il y a quelques mois, puis j'ai jamais réussi à replacer le mot, tu sais. Fait que là, je m'essaie, tu sais. Votre opinion envers l'Isole Blanc est biaisée, alors qu'elle est mal biaisée. Elle a marché! Elle a marché! Elle a marché! Je suis comme la Suisse, mais je suis très neutre. T'es plein de trous? Ah, pas le fromage, là. Non, le pays. Le pays. Superbe. Superbe. Il est mort. Oui, je sais. Oh, non, on pleure encore. Oui, alors, c'était une référence de Radio Enfer. Le gros Girou, le Dirou, là. C'est triste, mais ça ne m'a fait rire. Mais l'acteur est décédé. Ça n'a pas rapport, là. Mais tu as les yeux pleins d'eau. Elle cache son Shaggy, mais où met-elle son Scooby-Doo? Ça veut rien dire du tout, mais c'est drôle. Non, on a toute une image de ce que pourrait être le Scooby-Doo, on en parlera tout de suite. Moi, tu as un gros prochain trou? T'as Velma là-dedans? Ah, non, non. Velva ou Velvita ou c'est quoi? Velva, elle était pas. Elle était elle. Mon vagin est en de bonne main. Mettez tous vos problèmes de côté. On va vous masser les comment t'appelles ça, les côtés de la tête, les tempes. Commentaire sur Facebook. Oui. On a Simon Fisbé qui se masse en nous écoutant. Donc. Et de préciser, oups, je me masse les tempes. Je pense que c'est les Palmarès, c'est fou. Sûr? Au 89.1 FM. OK. C'est pas un autre gars des Beatles, ça? C'est Palm, fou. Non. Ah, Palm. Palm. Palm. Palm McCartney. Palm. Oh, ouais, non, mais je la trouve bonne. Ouais, ouais, je me suis pas esclaffé, mais elle était bonne. T'as trouvé ça intelligent? Oui, voilà. Voilà. C'était spontané. Moi, c'est Mathieu Plante, là. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et Maxime Tanguay. La Triforce. La Triforce qui est là. Reste à trouver qui est la sagesse, qui est le pouvoir et qui est l'autre. Le moins. On est comme Trident, recommandé par 4 sur 5 dentistes. Après, je trouvais un petit running gag comme ça. À chaque fois, on a quelque chose de différent. C'est c'est vrai. Un centre de triage, mettons. Oui, exactement. Trifluvie, tu sais. Oh, yeah! Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est un truc, mettons, peut-être même vidéo, je sais pas quoi, de qu'est-ce qui se passe entre les blocs. Oh. Et qu'on peut mettre ça sur les internets. Ou, malheureusement, ça me forcerait à me rhabiller, mais... Je voudrais pas en parler, là, mais justement, peux-tu remettre tes culottes? Sortez la GoPro. Faut beaucoup de pixels pour voir moi. T'as un méga pixel. Ce cher Peter a la bouche ouverte sur son album. Il a l'air drogué pas mal sur la pochette d'album. Moi, il a l'air d'avoir parlé pendant la photo, puis on fait excuser, il restait juste une pause sur le Kodak. On t'avait dit de fermer ta gueule, c'est ça? On t'a pas dit de dire. Tu as dit cheese. Hein? Il a pas compris le message. Là. Ah, peut-être qu'ils l'ont pris pendant le. C'est comme le gars des entendus. C'est arrangé que le gars des vues. Non, c'est le gars des vues, tu sais, mais on le voit pas, c'est à la radio, fait que c'est le gars des entendus. Dans quel média que c'est le gars des sentis? Le gars des dans sentis? Scratch and snatch. Scratch and snatch? What? Scratch and snitch? Ouais. Scratch and Scratch. Wash. Ben, pas wash, mais comme menum menum, là, mais. C'est comme des fusils laser. Hein? Tu fais le son d'une de mes amies quand elle éternue aussi. Non, ça c'est Ashton Kutcher. Ouais, moi quand j'éternue, oui, je dis Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Plus réussi que le mien. Je n'ai toujours pas, par contre, je n'ai pas de feuilles. Écoute, on va te fournir, attends un peu. Mets-le dans ta bouche. Le palmarès? Le palmarès, pour pouvoir mieux le dire. Parce que c'est ça l'idée d'un palmarès, c'est que tu manges la feuille, puis tu peux régurgiter l'information aux gens. Oui, ben c'est exactement ce que j'ai fait à mon examen d'intra, la session d'intra. C'est Stéphanie qui va envoyer le bloc, Maxime va revenir à la fin, puis moi je vais être le gars qui met les cédules dans le rack, c'est ça? Et toi de me répondre, évidemment. Que t'étais la colonne vertébrale de l'émission. Mais j'ai une scoliose. Fait que c'est pour ça que l'émission est croche. Et voilà, on s'est rendu. On s'est rendu à la blague qu'on avait fait en ronde. On voulait juste laisser. C'est subtil, hein? Ça a l'air sexuel, ça aussi. Non, je pense que t'es. Tout le monde tourne autour de ça, non? C'est juste moi? Non, non, non, mais c'est pas tout le monde qui en parle, là, non? Moi, je tourne autour, mais j'en sais pas. Moi, pas je tourne autour, mais tu rentres pas dedans. La vision, c'est toujours de trop. C'est comme dans c'est la célèbre émission de télé, là, The Biggest Loser. Mon Dieu, ça voulait tellement rien dire. The Biggest Loser. Luzerne. Comment? Steph, comment? Non, tu fais juste comme essayer de plugger des affaires qu'on a dites. Ça n'a pas besoin de contexte, là, de Biggest Luzerne. Tout le monde comprend. Hein? Le contexte, je comprends pas la joke. Dénigre pas ton programme. Ouais. Donc, dénigre ma nigre. Quoi? Ouais, mais elle était bonne dans ma tête, mais elle est vraiment pas bonne dans ma vie. J'ai dit don't the nigger, my nigger, mais c'est une blague. J'ai compris! Il fallait pas la dire en nom. Faut pas dire ça en nom, mais c'est trop pareil. Mais j'ai le droit, moi j'ai des cousins africains. On saute par-dessus Carré Mouellette. J'aimerais ça sauter par-dessus lui. Raciste? Ça rien qui est pas grand en plus. Je l'aime tellement, Carré Mouellette, mais c'est le prochain. Je pense que dans deux semaines, je vais parler de lui. Ça, c'est un petit bruit de cochon de moi qui riait. Ah, c'était épuisant, ça. Ouais, j'ai eu des larmes aux yeux. C'est drôle, en tabarnouche, les trois dernières semaines des palmarès, c'est fou. C'est les semaines du 7, du 14 et du 21 janvier 2013. Retrouvez-nous les jeudis après-midi à 15h, les vendredis à 17h et lundi à 14h. D'ailleurs, cet après-midi, vous allez réentendre l'émission, le dernier segment. Là, il était séparé par des... Durant ça, c'était la séparation des semaines. Oh! Et c'était notre nouveauté du jour de vous présenter les Instants Classiques édition Palmarès. C'est la première fois qu'on le fait et ça a bien tombé que ce soit là parce que, Colin, que c'est drôle. Ah, ça m'a fait. Moi, j'ai de la misère à me remettre de mes animaux. Oui, ça ne me sent pas trop non plus, ça n'a pas l'air vrai. voilà pour. En fait, j'avais plus comment dire le mot. Oh, Colin!